Chercher une direction, celle-ci n'est qu'illusion. Trouver un sens, à quoi cela fait-il allusion? À travers tant de manifestations et autant de déceptions. Lorsque l'ego est contracté, il ne sait où aller. À travers son instinct, complètement apeuré, il cherche seulement à se réconforter afin de se figer dans un espace sécurisé. Que tu ailles à droite, à gauche ou dans ton impassibilité, tu resteras un être égaré tant que tu n'auras pas révélé la nature de ton intériorité. Arrête de chercher, tu as tout sous ton nez. Il te suffit de positiver, d'accueillir que cette vie va s'achever afin de rencontrer ta préciosité.